ciel ouvert, je voyage dans le temps. À ciel ouvert, je cherche le firmament et je déploie mes ailes. Dans le vent, et je déploie mes ailes. Dans le vent, à ciel ouvert, je découvre le monde. Entre soleil et terre, j'entre dans la ronde et je découvre la vie. À chaque seconde, je découvre la vie. À chaque seconde, je veux vivre libre, aller vers le meilleur. Je veux vivre libre pour un simple bonheur. À ciel ouvert, j'avance en marchant. Et pierre après pierre, je construis lentement. J'avance tant que je veux et toujours pour le mieux. Au fil du chemin qui est le mien. Je veux vivre libre, donner en profondeur. Je veux vivre libre de l'amour dans les cœurs. À ciel ouvert, je voyage dans le temps. À ciel ouvert, je cherche le firmament et je déploie mes ailes. Oh, dans le vent, et je déploie mes ailes. Dans le vent, je veux vivre libre, aller vers le meilleur. Je veux vivre libre pour un simple bonheur.